bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy. Allô, allô, bienvenue dans ce Lobster 185.0. Au moment où j'enregistre ce Lobster, on est à on est à 1h55 et 32 secondes avant le lancement d'Artemis 2, qui va envoyer le premier Canadien autour de la Lune. Donc, j'écoute ça sur YouTube, il y a une émission de la NASA qui est en cours depuis midi. Moi, je l'ai commencé après le travail, puis c'est intéressant, là, ils sont tous en train de montrer et d'expliquer qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, il y a toutes sortes de choses de sécurité. Là, si quand ils vont lancer le lancement de la fusée, il se passe quelque chose, il y a des choses qui tombent au rouge, ben les quatre astronautes, ils peuvent s'extraire. Là, il y a comme une rampe d'extraction. Là. C'est un peu comme dans les avions, là, de quoi que tu peux déployer, puis ils font juste glisser dedans jusqu'en bas. Fait que ça, c'est s'il y a un problème avant que la fusée décolle. Puis une fois qu'il va être décollé, si jamais il y a un problème là au moment où c'est la grosse bombe en dessous qui envoie le gaz là, puis qui est fait monter, s'il y a un problème durant ce moment-là, la capsule qui est sur le top est équipée aussi de moteurs qui peuvent lancer puis qui va les extraire de la bombe qui est en dessous, là, du carburant. Puis ça va juste les éloigner, puis ils pourraient tomber dans l'océan qui est juste à côté. Puis là, justement, c'est ça, ils surveillent la vitesse du vent. Ils ont envoyé un ballon dans les airs, là, d'après ce que j'ai entendu. Puis là, en ce moment, ils ventent vers la côte. Fait que là, la capsule, son parachute, la ramènerait vers la côte, mais les vents sont pas assez forts là, pour la ramener. Là, donc, tout semble correct. Là, à date, toutes les tests qu'ils font, c'est bien. Fait que c'est ça. Artemis 3, ben c'est la mission où ils s'en vont en orbite de la Lune. Ils vont tourner autour. La mission elle dure plusieurs jours, là. Je pense qu'on va tourner 10 jours autour de la Lune. Ce qui en fait une mission longue comparée aux missions Apollo, là. Les missions Apollo, c'était 8 à 12 jours. C'était un 3 jours pour se rendre sur la Lune, 2 à 3 jours sur la Lune, puis 3 revenir. Ça donnait environ 9 jours de mission. Tandis qu'avec Artemis 2, on parle d'un 10 jours juste en survol de la Lune. Puis après ça, Artemis 3... Où ce qu'on va. Ben là, ça a changé. L'Artemis 3, ça devait être où ce qu'on atterrit, mais c'est plus le cas maintenant. Ça va être Artemis 4 où on atterrit. Mais c'est ça, Artemis 3, ça devrait être une mission de 25 à 30 jours. Puis les missions subséquentes vont être de plus en plus longues, là, de 30 à 60 jours, voire plus. Fait que pour Apollo, là, c'était comme un aller-retour rapide. Puis pour les missions Artemis, c'est, on commence à s'installer sur la Lune en prévision du voyage vers Mars qu'ils veulent faire aussi. Un des problèmes qu'ils ont avec tout ça, c'est la radioactivité. Une fois que tu as quitté le champ de la Terre, ben tu n'es plus protégé. L'atmosphère nous protège là, des radiations. Mais là, à bord de la fusée, il y a le blindage là, en aluminium qui les protège. Ils font aussi une surveillance des éruptions solaires, parce que ça envoie beaucoup de radiation quand il y a des éruptions solaires fortes. Puis dans ce cas-là, quand s'il y en a, puis ils savent que ça va frapper la fusée, ils les envoient dans la zone refuge du vaisseau à ce moment-là. La zone refuge, c'est quoi? Ben, t'as toute la fusée en aluminium qui les protège, là, puis la structure, mais dans zone refuge, je pense qu'ils sont entourés en plus des réserves d'eau ou des réservoirs. Donc, tout ce qui est liquide, ça, comme l'eau, l'hydrogène qu'il y a dans l'eau, ralentit les particules énergétiques. Donc, tu as moins de particules radioactives qui atteignent le corps. Puis évidemment, là, sur leur habit spatial, tout ça, il y a des mesures. Quand ils vont revenir sur Terre, ça va tout être analysé. Pour voir combien ils en ont reçu, là, parce qu'ils ne peuvent pas évidemment tout protéger. C'est sûr qu'ils en prennent une bonne dose quand même. Puis ça va les aider là, à calculer, à voir pour ceux qui vont être là plus longtemps. Sinon, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Ah oui, il parlait qu'il y a un toutou qui s'en va dans l'espace aussi. Dans le toutou, il avait fait un concours pour une mascotte. C'est un genre de tête qui ressemble à la lune, puis qui a une casquette. Puis dedans, ils ont mis une clé USB. Puis voilà, 2 ans ou 1 an, je pense que je vous en avais parlé dans le Lobster, on pouvait s'inscrire et puis écrire notre nom sur cette clé USB-là. Fait que tous les gens qui se sont inscrits, ben comme là, moi, mon nom s'en va dans l'espace. Là. Frédéric Lavoie, je l'avais fait, il me semble que je l'avais fait, là, parce qu'il me semble que je vous en avais parlé dans le Lobster il y a plus d'un an. Fait que là, on peut aller voir à quel moment notre nom va être rendu vraiment en apesanteur, quand notre nom va être rendu à faire le tour de la Terre. C'est sûr qu'on a juste à regarder des images de la NASA, là, mais on peut le suivre aussi. Ils ont un site pour ça, mais il fallait avoir sauvegardé notre numéro de confirmation, puis je l'ai cherché dans mes courriels, puis je ne le trouve pas. Donc, je vais juste écouter l'émission. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est ça. Durant cette mission-là, bien sûr, ils vont voir le côté caché de la Lune, le côté qu'on ne voit jamais. Ceux de la mission Apollo, ils l'avaient vu rapidement. C'était pas une mission qui était longue, mais là, vu qu'on fait plusieurs tours de la Lune, qu'on est là 10 jours, on va avoir le temps de bien le photographier, bien regarder avec nos yeux humains. C'est sûr qu'on a envoyé des satellites qui l'ont déjà photographié, mais ça fait quand même longtemps, là, depuis l'émission Apollo, qu'on n'est pas retourné. Puis c'est ça, j'ai fait aussi des recherches sur pourquoi on n'envoie pas des nains à la place d'astronautes qui sont très grands, qui prennent beaucoup d'espace. Mais bon, d'après ce que je lis, ça fait pas une différence ben, là, que tu envoies un nain ou une personne de taille normale par rapport à la taille de la fusée. Il n'y a pas de grande différence. Les tailles acceptées maintenant pour les astronautes qui s'en vont dans l'espace, c'est 5 pieds 2 à 6 pieds 3 maximum. C'est les tailles acceptées par la NASA. Pour les missions Apollo, c'était plus petit. C'était 5 pieds 2 à 5 pieds 11. Donc, on ne pouvait pas aller jusqu'à 6 pieds 3. Puis pourquoi? Je suis allé lire là-dessus parce que la capsule d'Apollo était beaucoup plus petite et les combinaisons étaient rigides. Maintenant, quand on les regarde marcher, tout est souple. La technologie est rentrée là-dedans, mais c'est pas des combinaisons rigides, mais ils font la même chose. De mémoire, là, je pense que c'est 144 heures, une fois qu'ils ont mis le casque, ils peuvent survivre là-dedans, juste dans leur saute. Là, j'y vais de mémoire, là, ils l'ont dit plus tôt, là, mais c'était une affaire en haut de 100 heures qu'ils peuvent survivre dans cette combinaison-là, s'ils perdent, par exemple, s'il n'y a plus d'oxygène ou tout ça. Puis, par rapport à la grandeur, j'ai regardé, là, Neil Armstrong, lui, il mesurait 5 pieds 11, puis Buzz Aldrin, le deuxième, là, 5 pieds 10. Ceux qui ont marché sur la Lune. Donc, c'est ça. Puis aussi, bon, là, c'est ça, les missions de la NASA, vu que le Canada, on a un Canadien qui est là, Jeremy Hansen, je pense son nom. La NASA, la madame là, qui est en charge de l'Agence spatiale canadienne, était là tantôt à l'émission de la NASA. Fait que on écoute qu'est-ce qu'elle avait à dire. Je trouve ça intéressant. Je l'ai enregistré, là, c'est en anglais, mais voici ce que notre madame canadienne responsable de l'agence avait à dire. On l'écoute. Thanks so much, Megan. Yeah, we're joining you live now from the Operations Support Building here at Kennedy, where crowds are starting to gather, and we're honored to have Lisa Campbell of the Canadian Space Agency joining us. Lisa, Jeremy Hansen is about to make history as the first Canadian to venture to the moon. What does that milestone mean for your agency? Thanks so much, Jasmine. It's wonderful to be here. It's such a special moment, both for our astronaut colleague, Jeremy Hansen, but also for Canada. We're here because of decades of public investment in space robotics, in space collaboration. And so for our country, we're very proud. He's so ready. He's been waiting for this his whole life, preparing, training, and he's a wonderful example of Canada. Yeah, and that's a perfect way to capture Jeremy. He really has been prepping for this his whole life. This will be his first space flight. So what has it been like watching him become part of this Artemis II crew? Well, as I mentioned to you, I've known Jeremy since 2020, and he's a colonel, a fighter pilot, a father, and he really is a very dedicated, passionate human being. So both for him to realize this goal of being an astronaut and flying, he also is hopeful that witnessing that will raise awareness about the value of a space program, of the benefits here on Earth, of exploring the universe and our place in it. Wow, that's beautifully said. And really, this international collaboration has been going on for quite some time now. We've worked together in low Earth orbit and now going into deep space together. So why is it so important that we have these international partnerships? It makes us stronger. We can go faster and further together. Canada is one of the original signatories of the Artemis Accords, and Canada and the United States have been partnered for more than 60 years in space. Wow, that is phenomenal, Lisa. And this really is a team effort in many ways. We also have Jenny Gibbons. Yes. She'll be listening in on Capcom. What is her role going to be like? So Dr. Jenny Gibbons has been training all along as the Canadian backup with the Prime crew. Last night, she was in the Orion capsule checking out all of the communications, making sure all of the systems test out and work perfectly. And then she will be among the first lunar Capcom, helping the astronauts navigate during their mission. Wow, Lisa, that is so exciting. Any final words for the nation of Canada before today's mission? Just, we are so proud, so excited, and we can't wait to welcome Jeremy home. Oh, fantastic. Lisa Campbell, thank you so much for being here today. Thank you, Jasmine. Of course. And with that, let's get back to NASA's Megan Cruz. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas tout compris, en gros, qu'est-ce que disait là, notre responsable de l'agence, elle disait que pour les prochaines missions, on prévoit l'envoyer deux nains plutôt que Jeremy là, dans l'espace. J'ai fait des calculs. Jeremy Hansen, il mesure 5 pieds 9. Si on envoie deux nains, la taille minimale d'un nain, c'est 3 pieds 3. Fait que fois 2, ça donne 6 pieds 6. On dépasse un petit peu le 6 pieds 3 maximum. Fait que là, j'ai fait des recherches là, avec l'intelligence artificielle. Si on envoie un nain qui est atteint de nanisme primordial, eh bien, c'est des nains qui mesurent 3 pieds 1. Fait que 3 pieds 1 fois 2, on est correct, on 6 pieds 2. fait qu'on les embarque les deux dans le même siège, puis ça prend la place là, que le Canada a à bord d'Artemis 2. Mais bon, c'est pas ma dream team là, d'envoyer des tout petits. Moi, j'enverrais, si j'avais le choix, là, Willow, il est 3 pieds 6. Imaginez-le, là, assis là, avec sa baguette magique. Comme dans la série qu'il y a eu sur Netflix, il serait écœurant. Puis j'enverrais Weeman de Jackass, là, qui fait plein de cascades. Lui, il est quand même grand. Il est grand 4 pieds 5. Fait qu'on tombe à 7 pieds 9. Non, 7, 8 pieds. Oh, bref, on dépasse un petit peu. Là, on demandera un peu plus d'espace. Mais bon, moi, c'est ma dream team. Willow puis Weeman. Tu sais, imaginez s'il y a des problèmes dans... Puis il faut aller dans les conduits d'aération. Eux, ils peuvent rentrer, là. Il n'y a aucun problème. Tu pousses un peu ses fesses, puis ils rentrent dans les conduits, là. Puis imagine Weeman. Il lui ferait plein de cascades dans l'espace, là. Il tirerait des objets un peu partout, là, comme il faisait dans Jackass. Puis là, plutôt qu'avoir des combinaisons orange, là, en ce moment, c'est ça. Les combinaisons, ils ont mis de couleur orange. Sont vraiment belles. Mais là, vu que nous, c'est des nains, j'y mettrais une couleur rose licorne. Là, ça serait juste pour les distinguer, les petites boules qui flottent dans l'espace rose, ça serait quand même beau. Fait que là, c'est ça, je m'en vais m'asseoir devant la télé dans mon salon. Là, j'écoutais ça sur l'ordi, mais je vais mettre Netflix sur ma grosse TV pour écouter. Là, on est à le décompte, 1h30. Il reste juste 1h30 avant le décollage. Donc, je vous reviens là, après le décollage là, avec mes impressions. Donc voilà, on se repart. Saviez qu'on ne le sait plus. Dans l'espace, mort. Descend tout ça, dépasse lentement. C'est long, longtemps, le néant. Au moins, j'ai tout mon temps. Mais quelle histoire, je peux pas croire. Cette fable aléatoire, ces silhouettes qui t'inquiètent, ces formes que tu projettes. Les candélabres se cabrent en farandole dans ce macabre. La plaisanterie est finie, sa baragouine en série. Et je m'exile, indocile, laissez-moi donc tranquille. C'est la méthode, ma commode suite au prochain épisode. Donc voilà, on est de retour dans ce Lobster où on parle d'Artemis 2. Et bien, tout a bien été là, pour le lancement. C'était quand même intéressant de voir ça. Attends, je vais juste retourner, je prends des notes. Là. On avait une caméra qui nous montrait là, tous les préparatifs. Puis c'est ça, vers la fin, là, on voyait ils appellent ça la chambre blanche là, qui permet aux astronautes de rentrer dedans dans leur capsule. Puis là, il y avait trois personnes qui fermaient ça, qui poussaient pour la fermer, puis qui s'était enclenché. Après ça, c'est ça, il est dans le décompte à la fin, cette passerelle qui permet d'embarquer, ben, c'est retiré là, de la fusée là, pour la laisser décoller. Puis c'est ça, on a vu un détail super intéressant durant le décollage. On a vu, à un moment donné, il nous montrait les quatre astronautes, puis on a vu le commandant là, avec un gros pad, comme une grosse tablette qui était strappée sur sa jambe. Puis là, il voulait aller dedans pour faire quelque chose, parce qu'il y a des gros gants, là, ils sont tous dans leur combinaison. Puis pour taper sa tablette, il y a un crayon pour faire ça. Puis c'est ça, pour aller dans. Il a cliqué pour rentrer dedans, mais là, il a fallu qu'il fasse son mot de passe, là, genre 3, 6, 9, 6, 3. En tout cas, on l'a vu faire, là. Mais je me demande pourquoi tu mets un mot de passe. Tu sais, vous êtes quatre dans une cabine, là, dans une capsule qui s'en va dans l'espace, là. Il y a personne qui va venir te voler pour voir tes messages sur ta tablette, là. Elle sert au décollage, là. Fait que je me demandais pourquoi ils ont mis un mot de passe. C'était un petit peu drôle. Puis là, je me disais justement, Willow, il serait bon, lui, là-dedans, tu sais, avec ses grosses mains, il est habitué, lui, comme à... C'est comme si qu'il était toujours dans une habille spatiale, dans le fond, avec ses gros doigts. Donc, lui, manier le crayon, ça irait bien, là. C'est comme manier sa baguette magique dans le film de Willow, là. Fait que ça me fait penser que envoyer des nains dans l'espace, ça serait quand même une bonne idée, là. C'est quoi que d'autre? Ah oui, j'ai calculé, je regardais, l'espace de la capsule, c'est 330 pieds carrés. Il disait que c'est l'équivalent de deux minivans, là, à peu près l'espace qu'ils ont pour le 4. Mais quand tu calcules en espace nain, là, il rentre 37 nains là-dedans, comparé à 13 adultes si tu as rempli. Donc, si tu veux coloniser l'espace là, avec des nains, c'est comme trois fois plus rapide. Là. Tu sais, tu en rentres 37 au lieu de 13. Fait que c'est ça. Ah oui, puis une autre chose, j'ai remarqué, il faisait plein de... avant le décompte, là, il nous montrait des reportages sur la nourriture, puis ça, c'est intéressant, là, il nous montrait tout ce qu'il mange, puis il disait que, comme lui, Québécois, il peut, disons, amener du sirop d'érable, puis après ça, il échange avec ses collègues. Fait que c'est ça, toute la nourriture, ils ont comme une genre de... ça ressemble à une mallette, puis ils mettent la nourriture qui est dans des sachets là-dessus pour la réchauffer. Fait que je me disais, moi, si on envoie des nains là, qui ont toujours des douleurs dans les mains, ben ils peuvent mettre la main dans l'affaire à chauffer la nourriture puis ça enlève la douleur. Puis en plus, quand ils flottent dans l'espace, là, plus de douleur aux articulations, là, Willow puis Women. Fait que c'est quand même une bonne idée d'envoyer des nains dans l'espace. Puis c'est ça, vers la fin, on était à moins 52 minutes. Tu sais, j'ai regardé l'heure s'écouler. Puis là, c'est ça, ils ont eu un problème. Là, on les entendait parler. Il y a une des batteries qui sert au système de survie pour sortir si jamais il y a quelque chose au décollage. Ça, c'est le système qui permet de sortir comme dans une rampe là, d'avion que je vous parlais. Ça, c'est s'il y a un problème au départ. Après ça, il ne peut plus servir. Là. Mais c'est ça, il y avait une des batteries qui disait qu'elle était comme trop chaude, puis ce système-là a juste deux batteries pour se déployer, puis là, il se disait, il y en a une qui marche plus, puis finalement, Ils ont comme appelé le gars de Radio Shack pour lui demander quand ils ont chargé, est-ce qu'ils ont bien chargé? Là, je dis Radio Shack, là, mais ils ont appelé la personne à la NASA qui est en charge de charger ces batteries-là. Puis lui, il a regardé dans son ordinateur, puis il dit, non, non, tous les chiffres sont beaux pour ces batteries-là. C'est probablement un sensor dans la fusée qui est pas correct, qui dit qu'elle chauffe, mais lui, tous les résultats qu'il avait quand il les a chargés étaient corrects. Donc, ils ont dit, OK, de bord, on n'en tiendra pas compte, on continue le lancement. Fait que c'est quand même le fun d'entendre ces dernières affaires-là de dernière minute. Puis c'est quoi que je voulais dire d'autre? Ah oui, c'est ça. À moins 11 minutes, là, on a vu de la boucane en dessous de la fusée. Ça, je pense qu'ils vidaient les tuyaux qui vont accueillir le liquide là, qui est très, très froid. Ils envoient quelque chose dedans pour pas qu'il reste de gaz puis tout ça. Fait que ça, c'est ce qui fait de la boucane en dessous. Puis là, à moins 10, le décompte, il a bloqué là. Puis là, tout le monde, le chef de mission, il a appelé tout le monde. Puis là, tout le monde disait, oui, c'est beau, on donne le go. Mais il a appelé genre 12, 13, 14 groupes différents. Là. Il y avait le groupe de la température, de la météo qui ont dit, oui, c'est un go. Celui de l'intégrité de la structure, oui, c'est un go. Puis en tout cas, ils ont fait ça deux fois. Puis c'est ça, ils ont eu un autre problème à un moment donné. Ils ont perdu le signal pendant 10 secondes ou 2 secondes du système de télémétrie. J'imagine télémétrie, ça doit être pour savoir la position exacte de la fusée. Puis là, ils ont regardé. Là encore, là, on les entendait parler. C'est ça qui est le fun. Puis c'est quoi qu'ils ont fait? Ah oui, ils ont regardé les données, puis ils avaient perdu juste un 2 secondes. Fait qu'ils se sont dit que c'était pas grave, là, c'était juste un mini problème de communication. Mais là, que tout était rentré dans l'ordre à part ce 2 secondes-là. Fait qu'ils ont dit, OK, on continue. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, ils ont lancé le terminal count. C'est le dernier 10 minutes. Ça, c'est tout automatisé. Puis le chef de mission, là, une fois que ça s'est lancé, lui, il a encore un bouton, puis il peut appuyer pour dire « on arrête tout ». Disons qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais s'il appuie sur « on arrête tout », ça n'arrête pas automatiquement. Il y a des points de safety où ça arrête. Parce que disons que tu es en train de faire telle affaire, tu ne peux pas l'arrêter en plein. Il faut que tu attendes d'être rendu à des étapes qu'il ait fini telle affaire avant de dire « oui, OK, là, on rentre dans un processus d'arrêt ». Mais bon, ils n'ont pas eu besoin de ça, puis la fusée a bien été lancée. Donc, c'était quand même intéressant. Là, je pense qu'ils s'en vont, ça va prendre 6 jours, ben, je ne me rappelle plus, 3 jours. En tout cas, ils sont partis, puis ça a l'air à bien aller. Donc, voilà pour cette intro du Lobster. Pour le reste de l'émission, bien, on va écouter l'épisode 27 et 28 du Grenier Pop. Dans l'épisode 27, je rends hommage à Chuck Norris, qui était une icône vintage qu'on a perdu. Et dans l'épisode 28, je fais un topo de la vie de Walt Disney. Donc voilà, on écoute ça à la suite. Et peut-être que je vous mets un peu de musique que j'ai découvert ces derniers jours. Donc on écoute ça. Bon Lobster! Le Grenier Pop, trésor vintage et culture pop, c'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage, on pop, pop, pop. Le Grenier Pop, pour les rêveurs et les amoureux, on pop, pop, pop. Allô, allô, bienvenue dans le Grenier Pop sur les ondes vintage de CIBL 105 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie et je serai avec vous au cours de la prochaine demi-heure pour monter dans l'échelle qui mène au grenier, ce fameux grenier rempli de tous mes souvenirs, de curiosités et d'un peu n'importe quoi. Et cette semaine, on parle de quoi? Eh bien, on parle d'une série culte pour enfants créée au Québec et qui compte plus de 5000 épisodes. Quand j'ai vu ce chiffre, j'ai été vraiment surpris. J'aurais jamais cru que cette émission avait duré aussi longtemps et avec un nombre aussi impressionnant d'épisodes. Mais on parle de quoi exactement? Je vais vous donner quelques indices. L'émission tourne autour des péripéties d'un frère et de sa petite sœur, une marionnette. L'histoire est entrecoupée de séquences de dessins animés présentés comme étant des petits bouts de film. Et, bon, on s'adressait à nous, les téléspectateurs, comme étant les tout-petits. Alors, avez-vous trouvé? Eh bien, si vous n'avez pas déjà trouvé, on parle ici de l'émission Bobino. Moi, j'ai écouté ça quand j'étais tout petit,

Ah, ce sont vraiment des voiliers de course, ça. Réussi, Geneviève. Eh ben oui. Tiens, ici, on a le Fleury Michon qui est là. C'était un des grands voiliers. J'aimerais me baigner dans une piscine avec Bobino, Bobinette et Giovanni. Regarde, ça, c'est Giovanni. Catherine Loriot qui a 9 ans qui nous dit ça. Elle est de Châteauguay. Et voilà le dessin. Il est très joli. Au revoir, les amis. C'est ça. Oui, t'as pas peur. Au revoir, mes tout petits. She'd been stabbed in the back once too many. Yeah, once too many. But I got to hang on now, hang on to get her love. Wanna feel those lips again and again. Those eyes really have me captured. Feel the beauty inside. I've got to hang on for her. She wants to be in control and on the top. But in some way I've got to show her. I gotta show her what I'm feeling inside. What I'm feeling inside. Cause I got to hang on now. Hang on to get her love. Longer. Allô, allô, bienvenue dans le Grenier Pop sur les ondes vintage de CIBEL 101.5 FM. Je m'appelle Frédéric Lavoie et je serai avec vous encore dans la prochaine demi-heure pour monter dans l'échelle qui mène au grenier. Ce fameux grenier rempli de mes souvenirs, de curiosités et d'un peu n'importe quoi. Et cette semaine, de quoi on parle? Eh bien, j'avais prévu de vous parler du merveilleux monde de Disney, mais cette semaine, on a perdu une icône culte de la culture vintage. J'ai donc revu mes plans. Donc cette semaine, plutôt que de vous parler de la fée Clochette, on fait un petit retour sur la carrière d'un héros, d'un être quasi mythique. Et oui, on a perdu Chuck Norris dans les derniers jours, le 20 mars pour être précis. Mais ce qu'on a appris, c'est que la mort a essayé de prendre Chuck Norris, mais elle a vite compris qu'il était déjà immortel dans les légendes. Donc cette semaine, on fait un petit retour sur sa carrière et sa légende, et pour bien débuter ce grenier, et en hommage à Chuck Norris, on vous embarque directement dans l'énergie d'un vrai héros avec ce classique des tournois de karaté. Voici You're the Best de Joe Exposito, tiré du film Karate Kid. Bonne écoute et bon grenier pop! Try to be best, cause you're only a man, and a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. You're the best around, and nothing's gonna ever keep you down. Nothing's gonna ever keep you down. Fight to the end, cause your life will depend on the strength that you have inside you. Oh, gotta be proud, standing out in the crowd with the odds in the game by you. Try your best to win them all, and one day time will tell. When you're the one left standing there, you've reached the final bell. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. Saviez-vous que Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini? Deux fois en plus. Il apparaissait aussi en couleur sur les photos en noir et blanc. Et finalement, Chuck Norris ne portait pas de montre. Non, il décidait lui-même de l'heure qu'il est. Ce genre de petites phrases, ces mini-blagues absurdes qui impliquent Chuck Norris, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les Chuck Norris Facts. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce sont des blagues absurdes, exagérées un peu, qui transforment Chuck Norris en un personnage invincible et surhumain. Elles sont nées sur Internet dans les années 2000, sur des forums et des sites humoristiques, mais elles s'inspirent habituellement de sa carrière légendaire dans les films d'action et dans la série Walker Texas Ranger, où bien souvent il arrivait à faire des cascades ou des choses extraordinaires. extraordinaire. Et de là sont nés les Chuck Norris Facts. L'idée était simple, prendre des situations impossibles ou ridicules et les attribuer à Chuck Norris. Par exemple, certains disent que la gravité obéit à Chuck Norris ou que les murs se déplacent quand Chuck Norris frappe. C'est complètement absurde et c'est exactement ça le but. Ces facts, au fil des ans, ont fini par renforcer sa légende, transformant un acteur et artiste martial déjà célèbre en mythe vivant. Maintenant, bon, faisons un petit retour sur sa carrière et des choses que vous ne savez probablement pas sur lui. Je lisais durant la semaine un article sur le site de Radio-Canada qui s'intitulait « 6 choses à retenir sur la légende Chuck Norris ». Icône du cinéma d'action et des arts martiaux, l'acteur est décédé vendredi à 86 ans après une hospitalisation liée à une urgence médicale. Et voici 6 choses que vous ne savez peut-être pas à son sujet. Premièrement, il était un maître des arts martiaux. Chuck Norris, de son vrai nom Carlos Ray Norris, n'était pas seulement un acteur, c'était un véritable maître des arts martiaux. Après son service militaire, il découvre le karaté, le judo et le tang-soo-do et se consacre rapidement à l'entraînement intensif. Chuck Norris y est devenu 6 fois champion du monde de karaté et a obtenu des ceintures noires dans plusieurs disciplines, dont le taekwondo et le jiu-jitsu brésilien. Autant dire qu'à l'époque, il était déjà un personnage quasiment invincible. Avant même de devenir une star de l'écran, Chuck Norris travaillait comme coach d'arts martiaux et formait des acteurs aux techniques de combat pour les films. Et c'est en 1972, dans La Fureur du Dragon, qu'il affronte le roi des arts martiaux Bruce Lee dans une scène devenue légendaire. Cette apparition le propulse directement sur le devant de la scène internationale. Plus tard, il créera même son propre style, ça je ne savais pas, le Chung-Kuk-Do, mélangeant plusieurs disciplines et mettant l'accent sur la discipline, la précision et la puissance. On raconte que ses coups pouvaient casser du bois ou des pierres à l'entraînement, autant dire qu'il ne plaisantait pas. Deuxièmement, héros de films d'action. Et oui, c'est le côté que l'on connaît peut-être le mieux de lui. Chuck Norris a eu une carrière cinématographique exceptionnelle et est passé de champion de karaté à l'une des plus grandes stars d'action des années 80. Ses films ont collectivement généré plus de 500 millions de dollars dans le monde au début des années 90, ce qui est quand même un record impressionnant pour l'époque. Voici maintenant un aperçu de quelques-unes de ses performances majeures au box-office. 1972, The Way of the Dragon, La Fureur du Dragon, c'est son premier rôle notable où il affronte le légendaire Bruce Lee. C'est un film qui a rapporté environ 130 millions de dollars dans le monde pour un budget de seulement 130 000 dollars. Ajusté avec l'inflation, cela représenterait plus de 700 millions de dollars en argent d'aujourd'hui. Donc, c'est une entrée fracassante dans l'univers du cinéma d'action. Ensuite, 1978, Good Guy Wear Black, le film qui l'a propulsé au rang de star avec plus de 18 millions de dollars de recettes pour un budget d'un million seulement. Une performance qui a ouvert la voie à toute sa carrière de héros d'action. Ensuite, 1979, A Force of One, c'est un autre succès avec un box-office d'environ 23 millions de dollars. Ce film a montré sa puissance et sa maîtrise des arts martiaux à l'écran. 1980, un film culte de Octagon, avec près de 19 millions de dollars de recettes. Il incarne un combattant confronté à une organisation criminelle, un rôle qui a marqué les amateurs de karaté. Ensuite, un autre film notable, 1984, Missing in Action, Porté disparu. Ça, c'est un film pilier de sa carrière. Ce film a généré 26 millions de dollars en 1985. Avec environ 18 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord, ce classique s'inspire d'événements réels, notamment des prises d'otages aériennes, et a consolidé son statut de star incontournable. Ensuite, si on va un peu dans le plus récent, Expendables 2, unité spéciale en 2012, même dans un rôle secondaire, Chuck participe à un énorme succès mondial avec plus de 310 millions de dollars de recettes dans le monde. Cela prouve que son aura de héros traversait les générations et que sa légende restait intacte. En résumé, que ce soit dans les années 70, 80 ou plus récemment, Chuck Norris a su traverser les époques et la genre du héros d'action invincible au mentor bienveillant. Il a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma d'action et sur la culture populaire. Everybody was kung fu. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping their Chuck Norris a déjà battu la montre dans une course contre la montre. Quand Chuck Norris jouait à Resident Evil, ce sont les zombies qui devaient survivre. Finalement, Chuck Norris multiplié par 0 égale Chuck Norris. On n'élimine pas Chuck Norris aussi facilement. Donc voilà, on s'amuse toujours avec les Chuck Norris facts. Maintenant, on continue à découvrir des choses sur notre héros du grenier pop. En troisième, Chuck était une figure philanthropique. Et oui, il n'était pas seulement un héros à l'écran, il l'était aussi dans la vie réelle. Fils d'un père autochtone alcoolique et d'une mère irlandaise, il a grandi dans des conditions modestes au Texas, apprenant très tôt la discipline, la rigueur et l'importance de se battre pour réussir. Tout au long de sa vie, il s'est engagé, d'après ce que je lis, dans de nombreuses causes sociales. Il a fondé et soutenu des programmes d'arts martiaux pour la réinsertion de jeunes en difficulté en leur transmettant discipline, confiance et respect des autres. Beaucoup des jeunes ont raconté que son enseignement les a aidés à changer leur vie et à trouver une direction positive. Il a également été très impliqué dans des œuvres caritatives, notamment celles qui permettent d'aider les vétérans militaires et leurs familles en leur apportant soutien et ressources. Donc même après sa carrière au cinéma, Chuck est resté un modèle d'engagement et de générosité, prouvant que sa force et son courage ne se limitait pas aux films d'action. On peut donc dire que l'homme derrière le héros était lui-même un héros de la vie réelle. Maintenant, en quatrième, on apprend toujours des choses sur lui, talent et intérêt en dehors du cinéma et du karaté. D'après ce que je lis, Chuck Norris n'était pas seulement un acteur et un maître d'arts martiaux, non, il avait rempli sa vie avec plein de passions et d'activités surprenantes. Avant sa carrière au cinéma, il avait servi dans l'US Air Force de 1958 à 1962. Il était stationné notamment en Corée du Sud, c'est là qu'il a commencé à s'entraîner aux arts martiaux, qui combinait discipline militaire et pratique martiale pour développer sa force et son endurance. Son passage dans l'armée, bon, il disait que ça avait marqué sa vie et contribué à forger le courage et la rigueur qui allaient caractériser toute sa carrière. En dehors du cinéma et de l'armée, Chuck avait également une passion profonde pour la musique. Depuis sa jeunesse, il s'intéressait à plusieurs instruments, notamment la guitare et le piano, et appréciait différents styles de musique, dont le country et le rock. Cinquièmement, toujours pour en apprendre sur lui, quelle était sa routine quotidienne pour ceux qui voudraient s'entraîner comme Chuck Norris et devenir invincible? D'après ce que j'ai lu, beaucoup de son entraînement se faisait sur son heure de dîner. Il avait pris l'habitude de condenser tous ses mouvements d'entraînement, ce qui fait que lui, sur son heure de dîner, il arrivait à s'entraîner pendant 3 heures. Ensuite, le soir, juste après s'être brossé les dents et juste avant de se mettre au lit, il sortait de chez lui en robe de chambre et en pantoufles et faisait une marche rapide de 15 à 20 minutes qui lui permettait de parcourir entre 80 et 100 km durant cette petite promenade d'avant-dodo. Ensuite, deux fois par semaine, le lundi, mercredi, vendredi et dimanche, et oui, la notion du temps et des jours est différente pour Chuck, il se donnait à ses arts martiaux. Ses coups de pied et ses combos main-pied étaient si précis que le sac de frappe explosait bien souvent avant même qu'il ne le touche. Et bon, la gravité elle-même devait s'incliner pour ne pas gêner ses mouvements. Sinon, au niveau alimentation, Chuck privilégiait les protéines maigres, fruits, légumes et noix et invitait le sucre transformé. Il mangeait son dernier repas de la journée avant 18h et, bon, fun fact, c'est son café qui réveillait le soleil tous les matins avant qu'il ne prenne sa première gorgée. Donc voilà, si vous arrivez à suivre sa routine, vous ne deviendrez pas Chuck Norris du jour au lendemain, mais c'est un début pour essayer de vous dépasser. Ooh. know if you've been bad. Lord, I bet you have, and you've not been here by flying there. You'd better close your eyes. Saviez-vous que Chuck Norris a été enlevé par les extraterrestres en 1987? Depuis, nous sommes seuls dans l'univers. Enfant, avant d'aller à l'école primaire, Chuck Norris déposait ses parents au travail. Et saviez-vous qu'aux Jeux olympiques, avoir une photo de Chuck Norris sur soi pendant une épreuve sportive est considéré comme du dopage? Donc voilà, c'est déjà le temps de conclure ce grenier pop. Il nous restait une dernière chose à apprendre sur Chuck Norris. Souvenez-vous qu'il n'était pas seulement un acteur ou un maître des arts martiaux. C'était un homme dont la légende dépasse la réalité. Un héros qui a inspiré des générations. Un être capable de rendre l'impossible possible, même à notre imagination. Donc merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui sur CIBL 101.5 FM. C'était Frédéric Lavoie avec vous dans le grenier pop. On se retrouve vendredi prochain pour un autre voyage dans les souvenirs, les curiosités et un peu de n'importe quoi du passé. J'ai aussi entendu dire que t'avais été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai, oui. Mais après 9 jours d'atroces souffrances, il a fini par mourir. Le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop, pop, pop. Le grenier pop. Im Sturz durch Raum und Zeit Richtung Unendlichkeit. Genau wie du und ich. Sphincter.